de vitamine. Les deux doigts enfoncés dans la grille. Je me court-circuite la matière grise. Électricité, électricité, déphasée. Que l'on vient de découpiller. Mon index effleurant la détente. Je ne devrais pas y réfléchir à deux fois. Mon index effleurant la gâchette. Je me fais sauter la matière vive. Électricité, électricité, déphasée. Électricité, électricité.